Le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des études UTC ont publié le 11 une déclaration commune en faveur de l'appel de la réunion conjointe du gouvernement, des partis politiques et des formations sociales de la République populaire démocratique de Corée sous le titre « Conjuguons la force de tous les compatriotes pour démolir la muraille de division et ouvrir une large voie à la réunification du pays ».